Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le débat enregistré le samedi 12 janvier dernier dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris à l'occasion de la journée spéciale organisée par France Culture autour du réchauffement climatique. Le débat avait pour point de départ une question: sommes-nous prêts pour la fin du monde ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents aussi nombreux ce matin. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous désormais quasiment traditionnel et on se retrouvera encore le mois prochain et sans doute celui d'après. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous partons d'une question. Sommes-nous prêts pour la fin du monde ? Vous aurez remarqué que cette question présuppose que la fin du monde est inéluctable, qu'elle va arriver, et l'absence de doute en la matière est en soi le sujet du débat qui nous occupe aujourd'hui. Car si l'on doute que la fin du monde soit inévitable, s'il existait la moindre possibilité qu'il en aille autrement, que l'émission de gaz à effet de serre arrête miraculeusement de polluer notre air ou que l'humanité arrête non moins miraculeusement d'utiliser des moyens de transport qui polluent, aurions-nous le même empressement à agir ? En clair, est-ce que l'imminence de la catastrophe ne serait pas la meilleure invitation à l'action ? Mais dans ce cas, comment expliquer qu'à de rares exceptions près, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il ne se passe rien ? Rien en tout cas qui soit à la hauteur de l'effondrement qui s'annonce. Alors aveuglement, impuissance ou jouissance de la destruction, mes invités ce matin ont tous une réponse différente à vous apporter. Et je vous préviens, à l'issue de ce débat, vous y verrez plus clair, mais vous ne vous sentirez pas forcément mieux. Mes invités, je vous les présente. À ma gauche se trouve Pierre-Henri Castel, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes philosophe des sciences, directeur de recherche au CNRS, et en ce qui concerne l'émission du jour, le livre que vous avez écrit qui nous intéresse s'appelle « Le mal qui vient ». Et c'est Hâtif sur la fin des temps aux éditions du CERF. À ma droite se trouve Cynthia Fleuret. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes philosophe psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous dirigez la chaire de philosophie à l'hôpital GHT Psychiatrie et Neurosciences de Paris. Et en ce qui concerne l'émission du jour, le livre que vous avez dirigé avec Anne-Caroline Prévost s'appelle « Le souci de la nature, apprendre, inventer et gouverner » aux éditions du CNRS. Et à votre droite se trouve Dominique Bourg. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'Institut de géographie et de durabilité à l'Université de Lausanne, dans la faculté de géosciences et de l'environnement. Et l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle « Une nouvelle terre pour une autre relation au monde » aux éditions des Clés de Brouwer. Vous savez tout sur mes invités, désormais la parole leur est laissée. Je vous propose que l'on commence avec chacun de vous trois qui prenez quelques minutes pour répondre à cette question avant que les éléments du débat puissent être lancés et que la discussion commence. Dominique Bourg, sommes-nous prêts pour la fin du monde ? Bien, si vous permettez, je ne vais pas répondre directement à la question, mais je voudrais donner quelques éclaircissements, si vous voulez. C'est déjà la différence entre fin du monde et fin d'un monde. C'est quand même une différence extrêmement importante. L'idée de fin du monde, c'est une sorte de théologème. Il y a un très beau livre qui est produit il y a quelques années, écrit il y a quelques années, Hicham Stéphane a fait ça sur le sujet. C'est une structure de pensée qui permet de penser, alors en fait, très rarement à la fin du monde. Si vous pensez à l'apocalypse, c'est pas la fin du monde, hein. Ça repart après. Bon, donc c'est là aussi la fin d'un monde. Dans les questions écologiques, ça arrive avec le fameux rapport au Club de Rome, le rapport Meadows, où là, dans le scénario business as usual, on voit les courbes monter, non pas au ciel, ça n'arrive jamais, mais jusqu'à un certain sommet, et redescendre. Alors, et excusez-moi, qu'est-ce que c'est ? Ben, ça, c'est tout simplement la première fois que on fait entrer en termes d'écologie l'idée, justement, de la fin d'un monde, de la fin du monde de la société thermo-industrielle. Ça, c'est un texte très, très important. C'est à partir de ce texte-là que toutes les choses qui vont être rapportées à la collapsologie ou que sais-je, repartent. Ça, c'est début des années 70, c'est 72. Et ces courbes sont assez impressionnantes parce que si vous regardez la réalité, hein, je vous rappelle que c'était un petit modèle assez simple, et donc en fait, il y a 6 paramètres, et si on regarde la réalité d'aujourd'hui, ben, malheureusement, ça suit les courbes de l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Et dans le scénario de l'époque, entre 2020 et 2040, l'ensemble des courbes commençait à descendre. Alors ce thème-là revient en force au début des années 2000 avec Diamond, avec son livre « Collapse », effondrement. Mais là, il faut faire très attention pour Diamond, un collapse, parce que c'est surtout une notion historique qui nous permet de décrypter des phénomènes dans l'histoire. Et c'est un effondrement à la fois des effectifs démographiques et de l'organisation d'une société. Mais attention, sur un temps très long. C'est pas le jour d'après. Et depuis lors, après vous avez eu le livre de Pablo Servigne et Michael Stevens, comment tout peut s'effondrer. Alors, c'est intéressant de le rappeler. Encore aujourd'hui, en termes de livres sur l'écologie, etc., il est en tête des ventes. On a près de 50 000 exemplaires vendus. Voilà, 4 ans après. Mais attention, le démarrage du livre, il a été publié en 2015, si je ne m'abuse. Et c'est pas en 2015 qu'il connaît un succès énorme. C'est un succès par bouche à oreille. Et effectivement, alors depuis, au bout de 2 ans, ça explose, les ventes explosent. Et surtout, c'est une thèse qui est extrêmement diffusée sur les réseaux sociaux et auxquels les gens sont très sensibles. Voilà, je voulais simplement un éclairage, si vous voulez, un peu historique pour qu'on voit bien les différents sens de cette expression. Que la peur de l'effondrement ne date pas d'hier. On y reviendra. Cynthia Fleury, sommes-nous prêts pour la fin du monde ou de ce monde? Alors, sommes-nous prêts? Non. Je vous remercie. Moi, j'essaye d'être... c'est quand même samedi. Donc... Alors, il y a deux choses qui sont, sommes-nous prêts? Non, je vais essayer de développer 2 secondes. Il y a une difficulté à penser la radicalité d'une rupture de paradigme. Soit vous basculez, je vais essayer d'être très binaire en fait, soit vous basculez dans un phénomène d'hystérisation de cette radicalité, de cette pensée de la radicalité, et donc ça suscite un système d'émotions négatives fort, et à ce moment-là, le sujet qui est le nôtre construit des systèmes de résistance, de contournement, de dénégation de cette panique parce qu'elle n'est pas vivable. Soit vous allez vers ce que nous avons tous fait, parce que le rapport Meadows et compagnie, le GIEC, etc., ça fait maintenant un certain nombre d'années que nous posons ce qu'est l'effondrement, et qui est un tout petit peu contre-intuitif au sens où on pense effondrement comme quelque chose qui s'effondre à l'instant T, alors que, Dominique vient de le dire parfaitement, vous avez un phénomène de destruction lente. Et c'est ces dynamiques de vulnérabilité qui sont antinomiques du sentiment d'urgence. Et c'est ça qui est compliqué à attraper dans la perception. Bon, donc soit vous allez vers le caractère de scientifisation de cette donnée, ce que nous avons fait, et là aussi, vous construisez, entre guillemets, malgré nous, une dénégation du phénomène par sa difficulté à appréhender ce qu'on peut appeler l'invisibilité de la menace. Et donc, vous êtes pris au piège, si vous voulez, entre d'un côté, cette hystérisation qui ne mène pas à une dynamique de changement, et de l'autre côté, un discours savant, rationnel, qui ne mène pas non plus, parce qu'il est compliqué à attraper, notamment aussi par sa difficulté, mais pas que. Par le fait que, rationnellement, nos systèmes de sensitivité ne sont plus adaptés à appréhender, on va dire, cette imperceptibilité de la menace. Quand est-ce qu'on a commencé à avoir des retournements? Quand précisément l'invisibilité s'est transformée en visibilité. On a tous, on se rappelle quand maintenant on y est habitué, mais quand la tour Eiffel a disparu. La tour Eiffel a disparu un matin, on se dit, mais ça va pas. La tour Eiffel n'est plus là. Et la tour Eiffel, bien évidemment, était là. Je rassure tout le monde. La tour Eiffel était là, mais elle n'était plus là. Elle n'était plus là puisque vous aviez au-delà d'un nuage de particules fines qui faisait que, tout d'un coup, mince. C'est-à-dire qu'elle disparaît, mais surtout, ces choses-là sont dans mes poumons. Et donc, il y avait une réalité, là, tout d'un coup, perceptible de la pollution. Pareil avec, ici ou là, les tornades, les catastrophes, les cyclones, etc. Pareil avec la pression migratoire. C'est-à-dire que, petit à petit, vous avez un phénomène de consolidation de la menace, et qui fait que, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, vous avez une mobilisation qui grimpe, mais mobilisation ne veut pas encore dire transformation du comportement. C'est ça, la fin du monde nous apparaît visiblement, ça ne veut pas dire qu'on est prêt à y faire face. Pierre-Henri Castel, sommes-nous prêts pour la fin du monde? Ah oui, je crois qu'il ne nous manque rien du tout. Nous sommes tous prêts à être enterrés, et je pense que chacun tient une pelle à la main pour enterrer son voisin, et que ce qui est intéressant philosophiquement, pour moi, c'est justement de concevoir qu'on a beaucoup essayé l'angoisse. Je propose d'essayer l'effroi. C'est-à-dire que ce qui est philosophiquement intéressant, puisque c'est comme philosophe qu'on m'a demandé de réfléchir à ça, c'est justement de considérer que ce n'est pas du tout la fin d'un monde. C'est vraiment la fin du monde. C'est-à-dire, c'est la même chose auquel pensait Günther Anders à l'époque de la guerre entre l'Est et l'Ouest. quand le motif de l'hiver nucléaire est apparu. Parce que ce qui se passe au niveau climatique se prolongera au niveau politique et géopolitique, et que ça se terminera par des guerres apocalyptiques. Autrement dit, il est intéressant de reprendre le motif de Günther Anders, qui est un motif théologique, comme disait tout à l'heure Dominique, c'est-à-dire celle d'une apocalypse sans royaume. Ça s'arrête. Alors, ce que je défendrai, hein, c'est pour aller le plus loin possible dans les conséquences de ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui nous est difficile, c'est de penser à quel point ça peut être catastrophique et d'essayer de se faire l'idée la plus claire possible de ce que c'est que le mal qui vient. C'est donc un projet qui est totalement différent de celui qui occupe en général les gens qui travaillent sur ces questions, qui cherchent à proposer des solutions ou à construire des modèles politiques et sociaux qui remédient à la situation. Moi, je préfère, même si c'est extrêmement désagréable, j'y ai pas beaucoup de plaisir, même si de temps en temps on peut rire un peu parce qu'un peu d'humour noir s'y est à l'occasion, c'est de chercher justement ce qui se passe quand on renonce à toute espèce d'idée de construction d'une utopie réparatrice et qu'on se confronte au fait que dans les sociétés dans lesquelles on vit, on peut déjà pas abriter les SDF ni lutter contre la fraude fiscale, et on nous demande de modifier le capitalisme international et l'économie générale de la production des biens. Que donc, où sont, n'est-ce pas, pour ces utopies ou ces promesses de meilleure démocratie, pour ces mobilisations, etc., où sont les vrais ressorts sociaux qui permettraient de leur donner un commencement d'efficacité? Et je pense aussi qu'un des besoins que la question que vous soulevez soulève, c'est celui du rapport à la violence. Parce que on parle beaucoup, hein, on se mobilise, etc. Il faut bien se rendre compte que les inégalités sociales qui soutiennent puissamment la destruction actuelle de la planète sont portées par des processus violents et que la question qui se pose, c'est de savoir quelle violence on peut opposer à cette violence-là. Est-ce que ce sera celle de l'éco-terrorisme? Est-ce que ce sera celle de mouvements à inventer? Et quel genre de violence? Autrement dit, la question du mal qui vient, il y a une partie de ce mal qui est un mal pour un bien. Alors on va déplier tout ça au cours de l'heure qui suit, notamment les liens que vous avez tous abordés entre écologie et politique. Comment est-ce que la crise écologique peut avoir des conséquences directement politiques et peut-être nuire à la démocratie? C'est pas le sujet le moins intéressant de ce débat. D'abord, j'aimerais vous entendre tous les trois sur un constat que vous avez fait, à savoir que la menace est de plus en plus visible. Elle est réelle et inévitable, disiez-vous Pierre-Henri Castel. Elle est visible, disiez-vous Cynthia Fleury. Elle est certaine, disiez-vous Dominique Bourg. Comment expliquez-vous que malgré la visibilité accrue de cette menace, malgré le caractère inéluctable de l'effondrement qui arrive, pour reprendre ce terme à la mode, eh bien nous ne fassions pas grand-chose. Que finalement, cette urgence-là n'amène pas en nous des changements de comportement radicaux qui seraient absolument logiques si tant est qu'il existe en tout un chacun la volonté de survivre. Ce qui n'est pas forcément le cas. Dominique Bourg. Eh bien, tout simplement parce que ça n'est pas visible. Ah. Vous êtes venu ici ce matin, vous avez pris un petit déjeuner, je ne sais pas avec quoi, mais peu importe, etc. Vous n'avez rien changé à vos habitudes. Et tout s'est bien déroulé, sauf si vous avez rencontré quelques quarts de CRS comme moi ce matin. Mais bon, normalement, ça continue. Et effectivement, on ne voit pas grand-chose. Et ce qui caractérisait, je vais y revenir, les problèmes d'environnement contemporain, c'est que par rapport aux problèmes traditionnels, pestilence dans les villes, pollution visible des eaux, etc., tous nos grands problèmes d'environnement, surtout nos problèmes d'environnement globaux, si nous n'avions pas des médiations scientifiques, on serait complètement aveugle. Et on n'en saurait rien. Ça, c'est pour la donne qui prévaut depuis quelques décennies. Et je dirais, scoop extraordinaire, c'est que ça a changé cette année. Cette année. Qu'est-ce qui a changé cette année? Eh bien, simplement, la question du climat, si vous voulez, Elle a 3 semaines cette année, hein. Depuis le mois de janvier. Alors, ça, quand je dis cette année, c'est l'année 2018. Vous avez raison de préciser. Et pourquoi? Parce que jusqu'alors, en fait, les signaux qu'on avait, qui sortaient de l'ordinaire, n'y avait comme signaux que ceux fournis par les cyclones. Là, effectivement, depuis une dizaine d'années, on sortait du tunnel statistique des événements. Si vous prenez, par exemple, la canicule de 2003, en 2003, chaque fois qu'on vous annonçait une température importante à tel ou tel endroit en France, vous trouviez toujours, systématiquement, des précédents. 2018, c'est la première... Alors ça sera l'année la plus chaude, très probablement. En général, on a le chiffre en mars, mais les indications qu'on a maintenant nous montrent que ça sera très probablement l'année la plus chaude jamais connue. Enfin, depuis un certain nombre de millénaires. Depuis qu'on mesure Depuis qu'on mesure, mais sans doute avant. Mais bon, peu importe. Et là, si vous voulez, c'est la première fois que c'est arrivé. Vous avez eu des vagues de chaleur du nord jusqu'au sud de l'hémisphère nord. Et je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais il y a quelques jours en Australie, vous aviez des, parce que là on est du côté de l'été austral, vous aviez des pointes à plus de 50. 50. Je vous rappelle que les plantes cessent toute leur photosynthèse entre 40 et 45 degrés. Ok. Vous avez eu des incendies, vous savez, depuis plusieurs années, mais c'était plus spectaculaire cette année en plein hiver en Californie. Vous avez eu des inondations totalement hors normes, etc. C'est la première année où on a des catastrophes dites naturelles classiques qui sortent du tunnel de variation qu'on a. Et d'une certaine manière, ça, les gens l'ont senti. Moi, je me souviens d'être revenu dans mon lieu d'habitation où des gens m'ont dit qu'ils avaient suffoqué. J'étais en Bretagne, c'était beaucoup mieux. Mais à Lausanne, les gens ont suffoqué. À bien d'autres endroits en France, les gens ont suffoqué. Et on le voit parce que vous avez eu à l'international et en France des manifestations avec un seuil de mobilisation jamais connu. Quand on manifestait en France pour le climat, c'était quelques centaines de personnes. Là, vous avez eu à trois reprises, 8 septembre, 13 octobre, 8 décembre, plus de 100 000 personnes, jusqu'à 150 000 se déplaçant dans la rue. À Bruxelles, vous avez eu 75 000 personnes. Et à Berne, en Suisse, vous en avez eu 7 000, à chacun ses records. Mais bon, pour la Suisse, c'est un record absolument extraordinaire. Et vous avez la fameuse pétition qui vient tout juste hier ou avant-hier de dépasser l'affaire du siècle, de dépasser les 2 millions en une quinzaine de jours. Autrefois, pour recueillir 1 million de signatures, c'était au moins un an. 2 millions en 15 jours. Beaucoup plus que les gilets jaunes. Et donc là, il y a vraiment un phénomène unique qui est en train de se produire. Et moi, je vous invite à bien considérer que nous sommes confrontés à des événements auxquels l'humanité n'a jamais été confrontée. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord ? Ah ben vous êtes là pour ça. Ah bon, d'accord. Vous voulez rebondir tout de suite ou Cynthia Fleury prend la parole ? Dites-nous, Pierre-Henri Castel. En quoi le nombre de manifestants change quoi que ce soit ? Je veux dire, la question n'est pas du tout du nombre de manifestants. La question est des relais politiques et sociaux qui permettent à des choses pareilles d'exister. C'est en particulier la question, je vais être très cru, du degré de pression, voire de violence qui est exercée sur le pouvoir politique et qui l'amènerait à changer effectivement quoi que ce soit quant à la réorganisation de l'économie. Parce que le changement ne peut arriver que par le pouvoir politique, c'est ce que vous dites. Eh ben, espérons, parce que pour le moment c'est encore le cas. Mais ça ne sera pas toujours le cas, parce que les premières libertés, on va pas commencer par mourir de faim, comme dit mon collègue Pierre Charbonnier. On va commencer par perdre nos libertés politiques. Donc là, on peut encore faire quelque chose. Des manifestations, mais c'est futile, Dominique Bourg. Alors, je vous laisse répondre, Dominique Bourg, avant de passer la parole à Cynthia Fleury, puis on reviendra sur le lien entre l'écologie et la politique. C'est absolument pas futile, mais c'est la première marche de l'escalier. Effectivement, les marches suivantes, alors il y a encore un escalier. Les marches suivantes, bon, effectivement, on va voir si elles vont se produire. Mais en tout cas, on ne passe pas à la marche suivante sans être passé par celle-là. Et c'est un phénomène extraordinaire. Si vous jugez futile un saut quantitatif qui a forcément une signification qualitative au suivant, bah, vous avez déjà tout décidé à l'avance. Donc en fait, la discussion n'est plus très utile. Non, c'est vraiment un élément fondamental de changement. Alors, comment ça va s'exprimer, etc. Alors, le politique, évidemment, c'est un relais essentiel. Je serais assez mal placé pour vous dire le contraire, puisque je pense que ça peut être intéressant. Mais c'est pas que le politique. Ces changements-là, vous les avez partout à l'œuvre dans la société. Et en fait, ce qu'on connaît assez mal, vous avez énormément d'expériences sur le territoire où des gens changent en même temps leur mode de vie, des modes de production, des modes d'organisation. Ça se fait au travers de petites et micro-expériences, mais vous avez aussi, dans les entreprises, grandes ou petites, etc., des acteurs qui font aussi des choses. Donc quand vous en avez 2 millions qui se déplacent dans la rue, bah, si vous voulez, c'est le moteur qui va finir par diffuser. Alors, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'effectivement, on va sortir dans les 15 jours du capitalisme international ? Je ne pense pas tout à fait. Voilà. Et autre chose que je veux dire par rapport à tout à l'heure, ce qui est vraiment très important, il ne s'agit pas de réparer. Alors ça... Si en écologie vous pensez qu'on va réparer, pas, vous réparer êtes pas quoi très, bah, la planète. Réparer le monde ou réparer la planète. Et vous n'êtes pas très informé. Hein. On est dans ce qu'on appelle l'anthropocène. De toute façon, on ne reviendra pas sur les dégradations qui ont déjà eu lieu. Et les dégradations des 30 ou 40 années qui viennent, elles sont déjà dans les tuyaux. L'anthropocène, c'est la manière de signaler l'empreinte de l'homme sur la nature. Alors, dans un premier temps, en tout cas, c'est le mot qui signifie qu'on est dans une période nouvelle, ou au moins dans un premier temps, l'humanité exerce par ses activités économiques un impact sur les grands paramètres du système Terre vraiment important. Cynthia Fleury. Oui, alors cet écart entre la visibilité de la menace, les moyens d'action, est-ce que la manifestation, oui, pourquoi finalement même les actions qui ont lieu paraissent dérisoires par rapport à l'ampleur de la catastrophe qui nous attend? Alors pourquoi on change pas? Il y a beaucoup de données, il y a des, je l'ai dit, des réalités psychologiques, des réalités politiques, des réalités économiques, des réalités d'échelle, je vais essayer de les développer, des réalités de différence entre ce qu'on peut faire soi-même et effectivement un niveau politique. Et sachant que les théories de collapsologie et d'effondrement ont tenté, si vous voulez, de dire c'est maintenant pourquoi? Parce que convergence de tous ces points. Et on peut après s'interroger sur l'efficace d'une théorie de l'effondrement pour créer de la mobilisation. Je fais partie de ceux qui pensent que non. Je pense qu'il n'y a pas d'éthique du désespoir. C'est peut-être mon côté psychanalyste ou que sais-je, mais je pense qu'on est dans des obligations aujourd'hui pour créer une transformation de ce que moi j'appelle la vérité capacitaire. C'est-à-dire d'être du côté de la vérité, mais d'être du côté de se soucier d'une vérité qui met en mouvement et non pas qui bloque, qui paralyse ou qui est immédiatement instrumentable par certains pour précisément ne pas faire. Alors, rapidement, Dominique disait, voilà, il y a les marches, etc. L'histoire, et je lui disais en sourdine, il n'y a plus d'escalier. Bon, le souci, c'est ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a ces théories, l'histoire a toujours fonctionné avec deux grands mouvements, la question de la réforme, progressivité, et puis la question de l'abolition. Voilà, ces deux mouvements sont constitutifs des ruptures de paradigme de l'histoire. Nous faisons de la réforme, nous faisons des petites marches. Nous n'arrivons pas encore à créer un geste abolitionniste par rapport à cette question du climat qui viendrait précisément renverser, ne plus faire à l'instant T un certain type de comportement et qui aiderait à faire un saut qualitatif. Nous allons être obligés de faire ce saut qualitatif et la problématique, c'est qui va porter le poids de ce saut qualitatif. Et c'est donc la question de la justice sociale qui, de fait, va être problématique. Alors, pourquoi on change pas? Bon, parce qu'on est ignorant des phénomènes, de moins en moins. Donc, c'est pas la question de l'ignorance. Pourquoi? Très souvent, parce qu'on se perçoit comme impuissant. On se perçoit comme impuissant, on estime que individuellement, c'est insuffisant, et donc c'est la problématique du levier sur les politiques et du type de pression sur les politiques. Pourquoi on change pas? Parce qu'il y a un conservatisme naturel. On est tous plus ou moins réticents au changement. C'est comme ça, c'est un principe de survie. Pourquoi on change pas? Parce qu'on peut, certains d'entre nous, avoir une idéologie progressiste, c'est-à-dire avec les meilleures intentions du monde, on considère que nous ne détenons pas la clé de la fin du monde, pas la fin du monde, et que nous allons construire techniquement, petit à petit, les possibilités pour sortir de ce marasme. Pourquoi on change pas? Parce que vous avez également le fait d'être dans des problématiques de justice sociale et de scission de certaines personnes et qui considèrent que le fardeau peut être porté par d'autres. C'est notamment la question des élites qui se déresponsabilisent consciemment, inconsciemment par rapport à ce fait-là et qui se dit voilà, et donc il y a une répartition du fardeau qui n'est pas la même pour toutes. Et puis pourquoi on change pas? Parce qu'on est tous confrontés à des problématiques court-termistes, d'urgence, il y a des incendies, et que quand vous êtes au feu, quand vous êtes dans l'obligation de gérer des incendies, c'était la jolie phrase, vous pensez à la fin du monde, moi je pense à la fin du mois, et qui est absolument symptomatique aussi des luttes d'aujourd'hui, et qui renvoie, si vous voulez, à ce fait-là. Donc tout ça fait que toutes ces connivences créent précisément un appel au non-changement. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qui va construire le geste abolitionniste et qui va nous permettre de faire ça avec le moins de casse possible? Et ça, en revanche, je n'ai pas la réponse ce matin. Bon, après cet entrain matière, on s'attendait à une solution. Pierre-Henri Castel, j'imagine, selon votre propos initial, qu'à la question pourquoi est-ce qu'on n'agit pas, vous direz sans doute, en fait, peut-être cette fin du monde, on n'a pas envie, tout simplement, de la repousser. Ah non, pas du tout. Je tiens beaucoup à ce qu'elle ait lieu le plus tard possible. Personnellement, j'ai pas d'intérêt particulier à ce que ça se passe demain ou à la fin du mois, par exemple. Hein. Je vous rassure tout de suite. Cynthia Fleury vient de soulever, je crois, une des questions qui est les plus redoutables. C'est la façon dont on peut utiliser quelque chose qui est de l'ordre de la vérité pour rendre les gens capables. Bon. Rendre capable, ça se dit bien en anglais, hein, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, hein, c'est une jolie traduction, hein, il faudrait fabriquer un mot comme ça, comme capacité, comme un verbe, hein, comme ça. Le problème sur lequel on se heurte, et là je vais faire une remarque à nouveau de nature purement conceptuelle et philosophique, c'est que ce que nous appelons devenir capable, et les catégories que nous avons fabriquées pour ça, qui sont des catégories politiques, qui sont de la représentation démocratique, du débat scientifique, de l'incorporation de la raison à la délibération publique, des choses de ce genre, qui sont absolument fondatrices de la modernité, qui à certains égards ont triomphé pendant très longtemps sur l'étendue de la planète. Le problème, c'est que nous ne sommes pas rendus compte d'un détail, c'est que tout ceci était possible parce que, comme pour reprendre le mot de cet Américain qui s'appelle Mitchell, nous vivons dans des démocraties carbonées. C'est-à-dire que pour pouvoir se réunir ici, vous voyez, dans la pièce dans laquelle nous sommes, rendez-vous compte de la quantité d'énergie que consomme le simple fait pour chacun d'entre nous d'être ici, d'écouter la radio, etc. Et donc les institutions démocratiques se sont développées parce que les énergies fossiles étaient extrêmement faciles d'accès et très très bon marché. Au point que le livre de Michel s'appelle « Carbone démocratie », on ne se rend pas compte que toutes nos catégories mentales et toute notre idée de l'autonomie et de la conception a été sur le simple fait que la nature ne nous refuserait jamais les moyens de cette autonomie. Ce que nous sommes maintenant amenés à considérer, c'est un véritable défaut intellectuel, c'est pourquoi ce sont des pompes, l'histoire de la fin du monde et ou la fin d'un monde est une pompe à utopie qui tourne en rond, hein, et que j'essaie de manifester à cet égard un très profond scepticisme, c'est que nous ne savons absolument pas comment penser les choses. Parce que les catégories intellectuelles qui ont été élaborées pour réfléchir sont des catégories intellectuelles qui sont nées d'un monde qui disposait d'une quantité phénoménale d'énergie et de ressources pour que l'abondance soutienne la démocratie, la liberté, etc. Avec la pénurie, on ne sait absolument pas quoi inventer. Et donc, j'attire juste l'attention sur le fait que nous ne savons pas quoi faire et que nous avons encore peut-être une ou deux générations pour que les moyens soient la démocratie à l'ancienne pour l'imaginer, mais nous ne le savons pas. Donc, il y a une ignorance. Hein, c'est pas simplement une ignorance structurelle. C'est pas simplement des faits psychologiques ou parce que les gens se mobilisent pas. C'est que même nos mobilisations sont coûteuses en énergie. L'autre chose, c'est à dire, c'est qu'on néglige. Et j'aime beaucoup, de ce point de vue-là, adopter le point de vue du moraliste. On néglige le mal, la malice. Oui, il y a plein de gens qui savent que la nature est en train d'être détruite. Par exemple, les gens qui habitent dans le nord de la planète. Hein, et puis, parmi les gens qui habitent dans le nord de la planète, ceux qui sont le plus éduqués, le plus riches, ceux qui détiennent les ressources financières, qui contrôlent les partis politiques, les pouvoirs politiques, etc. Ils le savent très bien. Et il n'y a aucun problème, eux ils protégeront leur nature au détriment de la nature des autres. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout négliger la dimension de malice, de culture de l'ignorance qui se répand extrêmement activement. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs par exemple que la religion aujourd'hui la plus dangereuse du monde n'est pas l'islam, c'est l'évangélisme américain. C'est l'évangélisme américain qui soutient, c'est les conseillers spirituels de l'administration Trump. Hein, dans l'armée, dans l'État, qui crée des dispositifs dans lesquels on élimine activement les mesures de protection de l'environnement. Et ce sont les évangélistes qui soutiennent l'agro-business brésilien qui va déforester l'Amazonie pour pouvoir augmenter encore la quantité de gaz à effet de serre qui va monter dans le ciel et nous étouffer. Donc il y a la part du mal, hein, l'activité nuisible, consciente et maligne d'un certain, est toujours quelque chose qu'on marginalise. Au fond, vous voulez dire qu'il faut prendre en compte une forme d'anthropologie qui est que l'homme ne veut pas forcément aller vers le bien, ne veut pas forcément sauver ce à quoi il tient, et qu'il y a presque une jouissance ici de la destruction. Alors, ça, on en parlera peut-être. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il y a juste l'idée que chacun tient la pelle avec laquelle il enterre son voisin. C'est ça, par exemple, tout le monde nous dit, là, comme ça, c'est le capitalocène, c'est la faute au capitalisme. Quand j'étais jeune, j'ai eu l'opportunité de traverser ce qui s'appelait à l'époque l'Union soviétique et de traverser comme ça toute la Sibérie en train. J'aime autant vous dire que la quantité de dévastation qu'un régime communiste était capable d'infliger à la nature en balafrant littéralement le paysage était hallucinante. La Chine peut difficilement être considérée comme un régime capitaliste au sens où les États-Unis sont un régime capitaliste. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi j'ai des étudiants chinois. Ces étudiants chinois, ils sont là parce qu'ils ont eu de la viande, parce que l'Amazonie a été déforestée pour faire du soja. Qui parmi nous va dire que les centaines de millions de Chinois qui sont sortis d'une misère sordide au prix d'une exploitation de la nature absolument hallucinante, non seulement en Chine, mais dans le reste du monde, parce que c'est une pompe à charbon, à pétrole extraordinaire, le développement de l'économie chinoise, ils n'ont pas le droit d'être là. Donc le vrai problème, c'est pourquoi nos propres valeurs d'émancipation, et ça, ça n'a rien à voir avec le méchant capitalisme, pourquoi ce sont nos propres valeurs d'émancipation, d'instruction, de permettre à des gens de se soigner, de se nourrir et de se voyager, qui produisent l'épuisement de la nature. Donc sommes-nous capables de reconfigurer nos propres valeurs, en fait, c'est ça que vous dites, pour induire un autre rapport à la planète et au monde? J'aimerais qu'on ne condamne pas, en faisant cela à mort, des centaines de millions de paysans indiens. Que personne n'appelle de ses voeux, je crois, cette condamnation à mort. Dominique Bourg, je vous vois trépigner sur votre siège. Non, je trépigne pas. Là, je suis tout à fait d'accord avec, là, si vous voulez, le fait qu'il faut prendre très au sérieux un désir cynique de détruire, en imaginant qu'on va pouvoir se préserver, d'ailleurs, quand même, en général, hein, c'est pas, ça paraît pas suicidaire, avec des jeux de conversion du bien et du mal qui sont assez fascinantes, et effectivement, si on en est là où nous en sommes, c'est parce qu'on a voulu s'arracher à la vallée des larmes, et finalement, on va finir par peut-être tous vivre dans une planète étuve. Donc, en fait, c'est pas sûr qu'on y ait gagné absolument au change. Maintenant, moi, ce qui me semble très important aussi, c'est le rythme des phénomènes. Et là, encore un petit point, si vous voulez, pour éclairer historiquement, une histoire proche, ce qui s'est passé. Je vous ai rappelé tout à l'heure que pour Diamond, avec Collapse, on était plutôt sur un phénomène au temps relativement long. Et ce qui a permis une réinterprétation de la question du collapse, c'est la question du pic pétrolier. Puisque là, on a pensé à un moment donné, et en fait c'est tout sauf faux, contrairement à ce qu'on a pu dire, parce que ça se produit exactement pour le type de pétrole pour lequel on l'avait imaginé, c'est-à-dire le pétrole conventionnel. Effectivement, le pic c'est 100 millions de barils jour, parfois c'est un peu plus bas, mais on dépasse pas ce sommet-là, et ça fait maintenant pratiquement une dizaine d'années hein, qu'on a une espèce de plateau. Irrémédiablement, ça va redescendre, avec un taux de déplétion qui devrait se situer entre 6 et 8%. Et ce par quoi on pallie le manque de pétrole conventionnel, sur les 100 millions de barils jour, c'est à peu près 75, bah, c'est les huiles de schiste, c'est déjà 8 millions par jour, etc., c'est gaz de schiste, etc., et tous les autres pétroles non conventionnels, qui sont sur des courbes d'extraction beaucoup plus resserrées, et on monte tout de suite au maximum et on descend très très vite. Et donc on sait très bien que le jour où le conventionnel va vraiment descendre, avec le taux de déplétion dont j'ai parlé, ben effectivement, on aura un manque à gagner. Même si je prends le scénario le plus rigoureux du GIEC, descendre de 5% par an nos émissions, et donc par derrière, enfin c'est plus compliqué, mais disons en gros quand même, nos consommations d'énergie, on est sur un rythme, je ne sais pas si aucune société volontairement le ferait, mais en tout cas qui est même inférieur à ce qui pourrait arriver là. Et puis deuxième manière d'imaginer quelque chose d'aussi brutal, bah, vous savez très bien, les êtres humains ne produisent pas de l'énergie, elle est constante dans l'univers, ils savent la capter, la transformer, la transporter, tout ça, ça a un coût en énergie. C'est un coût en matériaux, lequel coût en matériaux a aussi un coût en énergie. Et donc en fait, la vraie question en termes d'énergie, c'est le ratio entre l'énergie qu'on va chercher et l'énergie dont on a besoin pour aller la chercher, la transporter, la transformer. Et là, il semblerait qu'on soit assez proche, si vous voulez, d'un taux global qui ne permet plus de satisfaire les besoins d'une société où on utilise beaucoup d'énergie, c'était rappelé, en cascade et évidemment avec des rendements limités. Là, si effectivement on prend cette théorie au sérieux, on pourrait, en l'espace de quelques jours, finalement, eh bien, produire moins d'énergie qu'on en consomme. Donc là, effectivement, on pourrait avoir un clash énergétique très rapide. C'est ce genre de théories qui ont fait qu'on est passé de Diamond à une idée qui est celle d'un effondrement plus rapide. Jared Diamond, c'est celui qui avait écrit le premier livre sur l'effondrement, en 2004. Oui, voilà, en 2005, mais peu importe. 2005. Mais bon, et donc, enfin 2005 c'est la traduction peut-être, je sais plus, peu importe. Mais en tout cas, c'est début des années 2000. Et donc là, on est sur effectivement une vision de l'avenir qui est différente. Et bien sûr, selon cette vision, l'aptitude dont dispose la société, le temps qu'elle a pour s'adapter, etc., évidemment, varie énormément. Et quand on est dans l'idée d'un collapse très rapide, ben, c'est là qu'il n'y a plus d'escalier. Et c'est là peut-être que se pose la question, sur laquelle j'aimerais vous entendre tous les trois, du lien entre cette crise écologique, l'effondrement certain écologique, et les régimes politiques dans lesquels nous vivons. Dans quel sens, et c'était en filigrane dans chacun de vos discours, est-ce que la crise écologique serait une menace pour la démocratie, Cynthia Fleury? Alors oui, dans la mesure où ça a été dit tout à l'heure vers Pierre-Henri, c'est-à-dire que vous avez une historiquement la différence, si vous voulez, entre ce qui a été posé par le rapport Meadows et autres, c'est-à-dire en gros le moment où on interroge la soutenabilité de la Terre par rapport à notre manière de concevoir la paix, c'est que cette question n'est pas celle des Lumières. Et les Lumières sont constitutives de notre modèle de l'état de droit. C'est-à-dire qu'au moment où on a conçu notre état de droit, on a pensé effectivement que, même si c'était pas posé comme ça, que l'infini des ressources était posé. Et que donc l'ajustement permanent sur la Terre n'était pas une question, c'était implicite, si vous voulez. Le contrat naturel et le contrat social au départ, c'est des choses qui sont ensemble. Or, petit à petit, nous découvrons qu'elles sont disjointes. Et nous l'avons découvert après-guerre, fondamentalement. Et c'est là que c'est compliqué, et que c'est pas qu'une affaire de cynisme. C'est une affaire, effectivement, épistémologique. C'est-à-dire que nous avons conçu notre modèle de paix sur, précisément, l'économie carbonée. C'est-à-dire que la condition de la paix, c'est l'énergie, fondamentalement. C'est pas la justice. Nous n'avons pas fait ce travail. C'est-à-dire que nous avons construit notre modèle de justice, en fait, grâce à l'énergie. Et aujourd'hui, il faut inverser la chose. Il faut construire un vrai modèle de justice qui va nous faire créer un lien vers le rapport énergétique. D'où la fragilisation des systèmes politiques. D'où c'est un renversement total, si vous voulez. Donc, et c'est pour ça que quand on défend l'éthique, il faut comprendre qu'on défend l'éthique non pas après, mais l'éthique avant, c'est-à-dire l'éthique comme au fondement de notre modèle épistémologique, ce qu'on n'a jamais fait. Donc c'est là où l'appel à l'invention, à la politique, en fait, ça serait merveilleux. Si vous voulez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un renouveau merveilleux pour la politique si on affronte véritablement ça, puisque c'est enfin, nous devons penser ce qu'est un modèle de justice sociale et nous ne l'avons jamais pensé. Mais c'est immense. C'est absolument immense. Et donc, c'est vrai que là, la pression, Elle devrait se faire énormément tout de même, malgré tout, sur les élites, sur ceux qui sont le plus à même de, comment dire, manier un certain type de levier. Mais bien évidemment, et c'est là où nos cultures solidaires, nos cultures liées à l'individualisme, nos cultures, nos manières de penser notre émancipation sont problématiques, parce que nous avons une grande partie d'entre nous, en tout cas ceux qui ont les moyens de vivre leur émancipation, ils se sont dessaisis du reste du monde. Ils pensent que, fondamentalement, ils peuvent exister sans le monde. Et d'ailleurs, tous les jours, de la vérité quotidienne leur donne raison. Et donc, c'est très compliqué pour elles de penser tout d'un coup que, tiens, elles vont construire des politiques publiques ou des pour le plus grand nombre. C'est impossible. Donc, il faut créer une pression. Cette pression, c'est essentiellement souvent de la violence. Mais on voit aussi que la violence a son insuffisance. Donc, pour l'instant, voilà, on est à la fois sur quel type de manière épistémologique, comment on invente ce retournement, et en même temps, comment on fait pression pour ne pas être simplement dans un process de réforme qui, par rapport à l'accélération des événements, sera de toute façon insuffisante, et donc ça se régulera par une catastrophe. Pierre-Henri Castel, on peut aussi retourner la réflexion et dire que d'un côté, la pénurie des ressources peut entraîner un affaiblissement des États tels qu'ils existent aujourd'hui, voire même une transformation des régimes autoritaires. Mais à l'inverse, peut-être que pour qu'un véritable changement écologique puisse avoir lieu, il faudrait renoncer à une forme de démocratie, il faudrait une forme de régime politique qui permette d'aller plus vite. Et là, on retrouve beaucoup de tenants de ce qu'on appelle une sorte d'éco-fascisme, éco-dictature, qui pense que pour agir très vite, il faut renoncer à un système politique lent et solidaire qu'est la démocratie. Il y a aussi la dimension de l'éco-terrorisme d'extrême gauche. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est dans une de ces réunions, parce qu'elles se multiplient, comme dit Dominique Bourg, il y a effectivement un sursaut de mobilisation assez sensible depuis 2-3 ans autour de ces questions-là. Je me suis trouvé à côté d'un des fondateurs de Deep Green Resistance. Et c'était très intéressant d'être dans une assemblée comme celle-ci. Qu'est-ce que c'est Deep Green Resistance? Alors c'est un mouvement qui est d'origine américaine, qui franchit le pas de prôner des sabotages au moins de nature fonctionnelle. Hein, c'est tourner les robinets des puits de pétrole, etc. Pas structurel, il ne s'agit pas de faire sauter les centrales nucléaires ou les centrales à charbon déjà, mais juste d'empêcher un certain nombre de choses et puis de rendre impossible la vie, par exemple, aux grands dirigeants des sociétés qui font du fracking pour sortir du pétrole, etc., hein, aux États-Unis, de leur rendre la vie impossible, d'aller faire des sit-ins devant chez eux, etc. Pour le moment, ils en restent là. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le propos de ces gens, c'est que ça ressemblait au fond à l'anarcho-syndicalisme à la fin du 19e siècle en France, avant l'invention des syndicats. C'est l'idée que ce garçon qui était assis à côté de moi parlait à des gens comme vous, là, qui êtes quelques centaines. Il s'adressait essentiellement aux jeunes et il recrutait des saboteurs. Et ça me paraît un phénomène quand même très, très calmement d'ailleurs, avec beaucoup de lucidité sur ce qu'il était en train de faire, avec l'idée comme ça qu'on allait pouvoir agir de cette manière-là, rendre la vie impossible à ceux qui exercent sur nous une violence inouïe, en continuant à s'enrichir par les voies, voilà. Alors il y a un petit côté comité invisible, comme dit Cynthia, hein, c'est-à-dire c'est des choses qui se font plus sur un mode plus ou moins clandestin. Discutant avec cet homme, je faisais remarquer que justement ça aboutit à un seul truc, c'est les réponses répressives extrêmement graves, et que le grand problème, c'est pas que des individus se mettent à saboter tel ou tel truc, c'est que des forces sociales soient capables de se fixer des buts impersonnels. Comme par exemple quand les syndicats ont commencé à demander, au lieu de casser les machines, à dire que les journées de travail ne doivent pas dépasser 8 heures, ou bien qu'il y a un salaire minimum, ou qu'on interdise aux enfants de travailler en dessous d'un certain âge. Des choses générales et impersonnelles. Mais il y a un moment dans lequel la violence du conflit passe par des phénomènes de genre. Je pense qu'une des graves questions qui se pose, c'est pas juste de penser à la justice, c'est de penser au prix physique, morale, personnelle qu'on est prêt à payer pour elle, et donc à la nature de la violence qu'on est prêt à répondre à la violence qui nous est faite. Là, je dois dire que, d'abord, j'assume entièrement ma position de philosophe, je ne suis pas du tout un sociologue ou un spécialiste de sciences politiques, je ne sais pas. Mais je préfère ne pas savoir comme philosophe plutôt que, comme le collapsologue, inventer une pseudo-science de l'effondrement, qui n'est que de la science-fiction. Vous n'y croyez pas à la collapsologie? Mais alors, totalement pas du tout. Nous n'avons pas du tout la maîtrise des modèles mathématiques qui permettent de faire des conclusions aussi rigoureuses que celles aussi précises. Ça, on peut avoir l'idée que ça va mal se passer, ça c'est sûr. Mais quant aux détails techniques, le logis ne me plaît pas du tout dans collapsologie. Pour ça, je préfère appeler ça l'effondrementalisme, si vous voulez. On voit plus que c'est une idéologie. Mais la première question, puisqu'on nous pose une question qui est... Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que disent Dominique et Cynthia. On sait que ça va extrêmement mal. On sait que ça va même encore plus mal qu'on nous le dit, hein, puisque les articles publiés, ils sont publiés toujours avec la fourchette basse. Et que quand vous parlez en tête à tête avec les acteurs scientifiques de ces débats-là, ils vous disent « c'est bien pire en réalité. Nous n'avons publié que les chiffres bas ». Ok, ça je suis d'accord. Maintenant, comment on réagit? Je crois qu'il faut s'habituer à la possibilité d'avoir à opposer un mal très grand à un mal pire. Donc en fait, répondre à une forme de violence par une autre violence dont vous ignorez la nature, c'est ça? Dont j'ignore la nature, mais dont je souligne que c'est une vraie question de morale de savoir comment on va inventer les formes de violence qui sont adéquates à répondre à ce qui est en train de se passer. Alors, comment inventer les formes de violence adéquates? Dominique Bourg, dans votre ouvrage, vous en appelez pas tellement à des nouvelles formes de violence, mais à une nouvelle forme de spiritualité. Oui, alors avant de parler... C'est peut-être une autre réponse. Oui, c'est une autre réponse, mais elle ne suit peut-être pas l'autre. Mais enfin, déjà aussi, pour bien montrer, si vous voulez, la complexité, le côté très évolutif de toute cette affaire, là, je vous ai parlé de pics pétroliers, etc., mais cet été est paru un article très intéressant dans les PNAS, donc la grande revue scientifique américaine, sur, et là, on pourrait avoir une accélération qui serait pas du tout due au pétrole, mais qui est liée au climat. Le fait qu'en dépassant les 2 degrés, on va déclencher des mécanismes de rétraction positifs qui peuvent dériver en une sorte d'emballement, et on pourrait passer, sans que nos émissions augmentent en même temps, d'une planète de 2 degrés 2 à une planète à 3, 4, 5 degrés. C'est très important. Ce qu'on appelle les phénomènes de rétroaction. Rétroaction positive. Mais là, on aura un emballement, si vous voulez. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de bien voir que sur toute cette chronique-là, l'information scientifique la modifie en quelque sorte, sans arrêt. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais quand même revenir, avant de parler de violence ou de spiritualité, c'est pas la même chose, hein, je vous rassure, mais de revenir quand même à la chose politique, parce que ce qu'on voit, c'est pas du tout ce dont vous avez parlé. Hein, on a beaucoup parlé de, si vous voulez, de co-fascisme, c'est-à-dire de régime qui, de manière autoritaire, répondrait aux problèmes environnementaux. Alors, ce qu'on voit se profiler sur la planète, c'est l'inverse. Rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire, effectivement, on voit partout arriver des régimes fascisants. Ça va de Trump à Bolsonaro, mais ce qui caractérise tous ces régimes, c'est au moins leur climato-scepticisme. Vous prenez l'Allemagne, l'AFD en Allemagne, résolument climato-sceptique. L'équivalent suisse, l'UDC, résolument climato-sceptique. Depuis qu'il y a une alliance droite et droite extrême ou extrême droite en Autriche, l'Autriche est un pays modèle, c'est fini. Et puis alors, si vous allez voir du côté de chez Bolsonaro, c'est encore pire, parce que dans son entourage, il y a plein de platistes. C'est-à-dire de gens qui sont absolument persuadés que la Terre est plate. Alors, moi, pendant un certain temps, je pensais qu'avec effroi, ils allaient au bord pour voir si on n'allait pas tomber ou s'il n'y avait pas des gens en dessous. Maintenant, ils ont réponse à tout, c'est assez extraordinaire. Donc, en fait, on a d'un côté une force montante. L'environnement n'existe pas, donc on va vous faire crever beaucoup plus rapidement. Et puis, de l'autre, on voit, en tout cas en Europe, monter dans les statistiques électorales les écolos. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la menace n'est pas assez visible pour que l'environnement soit plus important qu'une question politique? Ou est-ce que ça veut dire que finalement la misère est telle qu'on préfère voter pour vivre, pour que la fin de mois soit moins difficile plutôt que pour la planète soit sauvée? Alors ça, c'est un vrai problème, parce que effectivement, on a eu aux États-Unis le noyau, mais pas seulement, attention, le noyau des gens qui votent Trump, c'est les petits blancs pauvres. C'est une expression horrible, un petit blanc, mais bon, voilà. Donc les anciennes classes moyennes appauvries, et plutôt de couleur blanche, qui aux États-Unis, la couleur, c'est quand même quelque chose de fantasmatiquement important. Ici, ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, on le voit bien, on est parti sur la question de la fiscalité carbone, mais qui était une fausse fiscalité carbone, que la chose soit claire. Hein, si vous voyez comment la Californie a fait, c'est pas le gouvernement français. La France était 12% des recettes pour des questions écologiques. Aux États-Unis, la moitié de la taxe va dans les infrastructures décarbonées, l'autre moitié de la taxe va pour aider les plus pauvres, ce qui est une évidence et une nécessité. Donc, en fait, si vous voulez, on a le choix entre... Et pour le moment, entre un autoritarisme, voire un fascisme absolument anti-environnement et qui va empirer et qui le revendique, tous les phénomènes, et puis on a une sorte de démocratie beaucoup plus rigoureuse qui effectivement exigerait un resserrement drastique des inégalités pour qu'effectivement tout le monde accepte de changer de genre. Alors dit comme ça, mais il est fou, pauvre garçon, hein. Il rêve. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. C'est que nous entrons dans une période inédite. Ça va tabasser. Ça commence à être visible cette année. Enfin, l'an dernier. Si cette année, vous avez El Niño qui se rajoute, je ne vous dis pas les phénomènes auxquels on va assister. Et c'est une chronique qui va aller crescendo. Donc, on aura cette pression qui pourrait nous faire changer, nous faire accepter des choses qu'on n'accepterait jamais, d'autant qu'elle va s'opposer à des cinglés qui vont nommément nous faire crever. Merci pour cet aperçu des années à venir. Ce que ça veut dire, Cynthia Fleury, le présupposé, c'est que pour qu'un changement écologique puisse avoir lieu, il faut d'abord résoudre la question, vous disiez, de justice sociale, d'égalité sociale. Oui, sauf que personne, en tout cas cette question, elle appelle peu de personnes, et très souvent on ne règle les vrais problèmes que si on est obligé à le faire. Si vous voulez, revenons sur ces... Un, de comprendre que la démocratie, et sans doute nous l'avons oublié, n'est pas du côté, l'état de droit n'est pas du côté de la permissivité, n'est pas du côté du trop, toujours trop. Et c'est ça aussi qui est compliqué, puisque nous avons conçu notre idée de ce qu'est la protection, encore une fois, essentiellement par la consommation. Nous avons lâché petit à petit les rêves de solidarité pour ceux de la croissance qui ne sont pas ceux de la solidarité, etc. Donc le biais, il est mis en place depuis longtemps. Donc il faut revenir à une définition plus normative de ce qu'est l'état de droit. Et ça, c'est désagréable, mais c'est la vérité pour éviter précisément un mouvement et une dynamique plus liberticide encore. C'est-à-dire, c'est vraiment la définition kantienne, je me donne ma propre loi, mais je me donne quelque chose quand même. C'est l'autonomie, se donner à soi sa propre loi. Se donner à soi sa propre loi, mais faut-il encore qu'il y ait une loi au bout. Et c'est ça, l'état de droit. Une loi au sens vaste du terme. Hein. Et vous avez donc ça, vous avez ensuite l'obligation qui est devant nous au XXIe siècle, et qui n'a encore jamais été faite, d'une vraie gouvernance mondiale. Une vraie gouvernance mondiale, mais qui renvoie aussi, parce que moi je crois absolument pas à un grand conseil nocturne ou pas, si vous voulez, au-dessus de tous les autres. Nous avons construit des modèles de légitimité qui sont des modèles nationaux. Donc il faut les garder. Parce que ça a mis un temps infini déjà pour construire ces modèles nationaux de légitimité, mais il se heurte au fait que cette légitimité ne rencontre pas son efficace. Son efficace, aujourd'hui, il n'est plus sur le territoire national, on le sait bien. Et ce hiatus-là, si vous voulez, nous ne l'affrontons pas de manière concrète. On l'affronte par du déclaratif, du déclaratoire, on fait des grandes déclarations, mais en fait, sur le niveau de contrainte où on viendrait à la fois respecter les parlements nationaux et en même temps créer un geste de gouvernance mondiale d'une plus grande régulation, c'est absolument ça le défi du 21e siècle. Et on voit que c'est, bien évidemment, ce sont pas, si vous voulez, les plus, c'est hélas mécanique, mais ce sont pas les plus pauvres, en tout cas dans un premier temps, ce sont pas les plus pauvres qui peuvent porter cet effort de régulation, parce qu'ils ne le peuvent pas, mécaniquement ils ne le peuvent pas. Donc ça veut pas dire qu'ils ne le pourront pas. Ça ne veut pas dire aussi qu'on ne doit pas travailler dans ces pays-là à une culture différente. Parce que bien évidemment, en espérant exactement le même délire qui a été porté par l'Occident pendant des années, ça ne va pas non plus. Donc on a un travail, là aussi, d'une culture très forte de ce qui est la vérité de la soutenabilité de la Terre, et qui n'est pas pris assez en conscience par précisément les économies qui sont les plus en développement et les plus pauvres d'entre nous. Donc cet effort, il doit être porté bien évidemment par d'abord ce qu'on appelle grossièrement le Nord, mais qui ne veut pas le porter puisqu'il se sent dessaisi d'un destin commun. Donc voilà, c'est cette controverse-là qu'il va falloir inventer, et c'est encore cette combinaison, si vous voulez. On a tous les invariants, on connaît les ingrédients, mais qu'est-ce qui va faire que la cristallisation va se faire entre, d'un côté, des mouvements de réforme progressistes qui essayent de protéger les libertés, puis de l'autre côté, un geste plus abolitionniste? Voilà, c'est ça l'aventure du 21e siècle. Pierre-Henri Castel. Oui, moi j'aime bien la conversation, parce que d'habitude, c'est moi qui ai l'air du métaphysicien fou avec mon histoire de mal avec un M majuscule. Mais en fait, il suffit de laisser parler les gens qui, comme Cynthia ou Dominique, connaissent infiniment mieux le contexte concret de ces choses-là. Et très rapidement, vous voyez que aussi se pose vraiment la question de savoir du pire inconcevable qui est éventuellement en train de se produire. Et avec un sentiment particulier, c'est que pour le moment, ce que nous avons à, je cite Dominique, ce que nous avons à opposer à cela tient quand même plutôt du rêve et du suspens. Et donc, on ne sait pas, voilà. Et donc, je voulais attirer l'attention sur le fait que, au fond, peut-être on est dans une phase que je comparais à celle des grandes utopies de la Renaissance, quand les gens ont, bien avant qu'on invente le contrat social, l'idée de liberté individuelle, etc., imaginé des cités dans lesquelles les hommes seraient libres, vous voyez, comme l'utopie de Thomas More, etc. Nous avons aujourd'hui une ressource pour laisser travailler nos sensibilités sur ce qui nous attend. C'est ce que je pense être la science-fiction post-apocalyptique, dont la collapsologie est un sous-genre et probablement le plus mauvais. Mais la science-fiction post-apocalyptique, c'est par exemple La Route de McCormack. Ce sont des gens qui, eux, ne reculent pas devant le fait d'explorer le pire dont les hommes sont capables à leur propre égard. Et c'est ça qui peut éventuellement cheminer dans nos sensibilités et qui est absolument indispensable, parce que nous n'aurons pas les moyens d'étouffer le mal en continuant à redistribuer de la richesse pour apaiser les souffrances des gens. parce que l'énergie, les biens, la nourriture, l'air pur, l'eau, les beautés de la nature, tout cela va commencer à manquer. Et que donc nous allons nous trouver confrontés à quelque chose où on ne peut pas acheter la frustration, l'injustice, on peut pas, parce que la nature ne nous le fournira pas. Et ça, je pense que c'est un aspect des choses comme ça qui a fait un peu bizarre, parce que c'est, oui, j'ai pas du tout de solution sociologique ou politique à proposer, mais je crois que certains en ont, Cynthia lève la main, oui. Non, parce que moi je les considère comme relevant du rêve, hein, pour le moment, mais ce qui est très important, c'est de savoir ce qu'on peut faire, et on peut se cultiver à l'idée du pire. Oui, non, je rigole. Alors, votre solution, Cynthia Fleury, puis Dominique oui. Bourg, on terminera sur cette idée de spiritualité. Il nous reste très peu de temps. C'est une plaisanterie, mais pas tout à fait, tout de même. On va redécouvrir une vieille théorie qui a été, en fait, une théorie pour l'instant et qui, demain, peut être un choix politique qui est, quand tout à l'heure Pierre-Henri parlait de quel est le type de violence adéquate. Bon. On peut dire que la violence renvoie aujourd'hui à de l'hyper-régulation de nos modes de vie et de nos comportements. Et on va vers ça. Et l'intelligence artificielle nous y aidera. La pression algorithmique va nous aider à transformer nos comportements. Et notamment un des premiers grands comportements, c'est-à-dire le grand retour d'un néo-malthusianisme, c'est-à-dire le fait de ne pas faire d'enfants. Et ça, c'est devant nous quand même. Donc alors, pas intégralement, voilà, mais de fait, cette question-là, à un moment donné, elle se posera, puisque ça sera la seule manière, si vous voulez, entre guillemets, de préserver ce délire individuel de consommation qui est ressenti aujourd'hui comme notre manière de vivre notre émancipation, à tort ou à raison, on va dire bien évidemment à tort. Bien sûr qu'il faut aller vers une culture et une spiritualité, si je reprends le mot de Dominique, différente, mais de fait... La première manière de conjuguer et de ne pas changer trop, c'est de faire moins d'enfants. Bon, merci pour cette solution. Dominique Bourg, il nous reste une minute. Alors déjà sur la question du mal radical, il s'est exprimé assez abondamment le siècle dernier. Il pourrait évidemment se réexprimer. On a réussi à en sortir parce qu'effectivement, on avait quand même des idéaux qui ont fini par le cantonner. C'est quand même la meilleure attitude qu'il faut avoir. L'énergie gratuite, Dominique. Il a eu d'autres expressions, je suis désolé, mais les historiens nous l'ont montré au moment des guerres des religions, on arrive à avoir des mobilisations de masse sans Internet, hein, je suis désolé, et avec très peu d'énergie. En revanche, non, ce que j'ai dit, c'est pas simplement du rêve. Parce que dans l'histoire passée, pensez au livre de Clarke, magnifique livre sur la société contre l'État. Alors dans d'autres conditions, on a su, et sans doute qu'il y a aussi des fondements biologiques à cette affaire. On trouvera ça dans le notamment biologique et psychologique dans le bouquin L'entraide là de Servigne, Gauthier Chapelle et Stevens. Donc non, on a l'espoir de pouvoir vivre autrement. Simplement, effectivement, c'est de l'histoire. Je sais pas. Ce que va être demain, je ne sais pas le rythme des difficultés auxquelles je vais être confronté, et je ne peux me guider mon action dans un premier temps, avec une analyse quand même qui soit un peu au courant de ces choses-là, mais avec un certain nombre d'idéaux pour lesquels j'ai envie de me battre. Moi, c'est ma conclusion. J'ai envie de me battre. Je vous l'avais dit, on y voit plus clair. Je ne sais pas si on se sent forcément mieux, mais en tout cas, les éléments du débat sont posés. Merci à tous les trois, Pierre-Henri Castel, Cynthia Fleury et Dominique Bourg. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu ce débat possible. L'équipe des Chemins de la Philosophie, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berger à la réalisation. Merci à l'équipe de Radio France, Guillaume Rialan, Virginie Noël, Adrien Landivier, Nicolas Mathias, Marcos Darras, Mathieu Leroy, Benjamin Thuot, Jean-Michel Breton et Jean-Michel Després, ainsi que la directrice de France Culture, Sandrine Trainer. Et merci à l'équipe de la Sorbonne, Anne Fréchard, Nathalie Maubray et bien sûr Gilles Pécou. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série consacré à Mozart. Philosopher avec Mozart, on commencera avec Kierkegaard et son Don Giovanni. Et puis le génie de l'improvisation, ce sera avec le compositeur Carole Beffa, la vie au piano avec la pianiste Suzanne Manoff. Et on terminera avec Platon à l'opéra en compagnie du philosophe André Tuboeuf. Tout un programme spécial Mozart, donc dès lundi 10h. D'ici là, pour écouter cette émission, ce débat enregistré à la Sorbonne ainsi que la série sur le voisinage qui le précédait, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez tout réécouter en ligne ou bien télécharger, podcaster chaque émission. À lundi, 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.